marché Madison, la 5ème et Central Park, le ciel crachait des bouffées de Havane. Les bateaux de l'Hudson formaient sur l'eau comme un arbre qu'ils remorquaient comme une barque Manhattan. Des voitures téléphones aux vitres aveuglées passaient dans la fumée des chicanes. Un orchestre mendiait sous les sabots du cheval du vieux héros général Sheridan. Des forêts d'escaliers tombaient, des toits incendiés comme le feuillage emmêlé des savanes. Des sirènes ambulances aux vitres aveuglées déchiraient le silence au travers des fumées. Chanteur de jazz. Ancienne Marilyn de vieille femme. Des nuées de pédales sortaient de Carnegie Hall en soldat de carnaval en gitane. Des enfants de couleur, lunettes aveuglées, revendaient du bonheur à fumer. Autour des tours jumelles, nouvelle tour de Babel, des hélicos battaient de l'aile dans mon. Au bas du Paname défilait la caravane des 7 millions d'oncle Sam sur leur canne. Et là-bas des madones, le regard aveuglé courait dans les klaxons au travers des filles.